Conlambi Musique Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. BLED, Amikai. Yeah, nous libres. Les acceptants me sortent si l'aïn, ils diamants, les acceptants me lèvent l'aïn, ils l'ont. Yo préserve une nati, la passion, t'es savant, et technologie, yo t'es jani, le tchor. Colon, en force, yo back et à bord. Courant et bip, mettez yo en bap. Là, yo t'es cap, pratiquer tradition. Ancestrala, yo zami, yo t'es yen qui fort. Pierre est fort, yo fait fort. Yo fais affaire pour yo pas mort. Rivez si port, force, gars, des bécs et confondent marchandises et corps. Bécs, marchandises et corps. You fait yo indemnise pas l'état. Léon Moon qui a dit moi c'est français. Ça qu'a mettre moi à d'envier l'état. Mais en peau qu'a chiré passeport. Pour l'instant là qu'a profité. Ces jours là sans qu'a cogité. C'est qui j'en y arrivé monter en comité. Pour commémoration l'esclavage. Alors qui c'est yo qui t'es derrière ça. T'es laissé qu'a fou moi la rage. Trois petits jeunes Guadani Beretta. Les vrais coupables pas qu'a pris en ça. C'est n'est qui t'a pris en confoir. L'aile arrivée, elle est nous éveillé. Soleil là qu'a clairé, mélanine activée. ADN pas facile à supprimer. Nous éliminer, pas éliminer. Même Elmina, terrain là terminé. Mais nous éliminer, pas éliminer. Illuminati, bizarre dominé. Mais nous éliminer, pas éliminer. Laminer, nous yo bizarre laminer. Mais nous éliminer, pas éliminer. Si ni ça toujours ni chaîne en tête. C'est parce que l'on dit yo si dit qui mette. Mais allez nous songer qui mette. T'es ni poids dans calabato là. T'es ni poids si do là, t'es ni plime à si poids là. En mettre l'anque à si plime. Avant liberté, t'es ni douleur. Pour fête, enfin maman souffert. Les ancêtres, moi sorti line. Ils coltent les ancêtres, moi levé line. Ils cobalt, ordinateur, vers portable. Nous rendons complices à combien que vraiment immoral. EDF, Bolloré, NJ et Total. Ça y'a fait continent, moi ça trop sale. Glyphosate, avec l'or des cantis. Il en moins pour empêcher les peuples consommer local. Yeah, en plus, il pas ni de l'eau potable. Si ou malade, zami, pas ni l'hôpital. Nous t'es développé Guadacaré. Mais yo bat travail là en forme hexagonale. Fuck l'éducation nationale. Yo fait nous chanter Charlemagne en chorale. Menti à yo, yo mette à l'écrit. Mais vérité là et qui sorti à l'oral. Mélanie éliminée puis sorti. Ça y dit tout le monde là, on s'est qu'à écouter Conlambi, musique jeudi. Premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP. On vous propose tout ce qu'on trouve d'intéressant dans les musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. Nous sommes dimanche gras. Et aujourd'hui dans l'émission, on va vous proposer de découvrir un ovni qui s'appelle Carnaval Odyssée. C'est l'album du groupe Daudlin. On aura le temps de découvrir les titres de cet album que je vous recommande déjà. Et avant ça, on va explorer un peu toutes les découvertes musicales du mois, en ce mois de mars. On a démarré à l'instant avec un titre qui date de l'année dernière. On remercie le blog The Lassie of the Flower Island qui nous a permis de découvrir ce EP excellent du rappeur, de l'artiste, plus que rappeur guadeloupéen, Bled Mickey ou Bled Mikey, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais son EP s'appelle Ba. Il est excellent, il aurait dû faire partie de notre retour sur l'année 2018 et on a entendu le titre Lib avec ce qui est peut-être le lyrics de l'année. Bled Mickey ou Bled Mikey a vérifié. On va surveiller vraiment tout ce qu'il a à nous proposer et d'ailleurs on enchaîne tout de suite avec son tout nouveau single Narcos qui sample, qui utilise la bande originale de la série du même nom Narcos. Et voilà, la maîtrise augmente projet après projet et c'est un artiste à ne pas rater. Narcos tout de suite. En pile d'îles, coca, zèbre avec rap. Quoi da badman, katouni en Pablo. Mada badman, katouni en Pablo. Yana badman, katouni en Pablo. Comme on voulait pas passer pour bombo clad. Soukon ka pété qu'on a donné en co. Nom ka tiré qu'on a donné en co. Maman ka pléré qu'on a donné en co, oui, affiché. Transaction ka mené conflit. Et après c'est Will Bullet ka pété. Tout j'en dis yon fils, stop violence. Ça yo va comprendre arrêter. L'hôpital la jol lentement, vite la gaffette qu'on a la télé. Oh aïe aïe aïe aïe. Oh aïe aïe aïe aïe, yo vle fè kon escoba. Business e vese escola. Fè money liko presto. La rila ki fè yo shiny manje yo resto. Men watch out, police man ka veye texto la. Bullet ke oblige pete. Sini trahison, yo ke venge yo le yo ke exto la. Para yo jati la pide a dan bullshit. Yo kompran ke bate ni pies fula. Tell them, on fil zil ko ka zebe ve krak. Wada bad man ka toune yon Pablo. Y'a bad man ka toune yon Pablo. Y'en a bad man ka toune yon Pablo. Bon moun bleba passe pou bon bo clad. So kon ka pete kon adon anko. Nom nom ka tire kon adon anko. Maman ka pire kon adon anko. We have to say pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. Brethren for pull out that. Tell them again. Pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. The brethren for pull out that. Yeah, I that off the boom, ratatata, pa, pa. SOS made it, made it, man down. Can you represent, yeah, represent. SOS made it, made it, man down. That off the boom, ratatata, pa, pa. SOS made it, made it, man down. All of the kadai, konsa sakabai. SOS made me the black Mikey obligé di yo. On pile zil coca zebe ve crack. Wada bad man ka toune yon Pablo. Mada bad man ka toune yon Pablo. Yana bad man ka toune yon Pablo. Bon moun ble ba passe pou bombo clad. So kon ka pete kon adon anko. Nom nom ka tire kon adon anko. Every maman ka pire kon adon anko. We have to say pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. Pull out brethren, pull out that. Brethren for pull out that. Tell them again. Nous pas la stand pépon pépon. Sirène à police et l'ambulance. Qui rive bien aussi l'indifférence. L'homme toujours pépante. Jou qu'arrivé en avance. Pour mes japatis prématurément. Yo pépon pépon. Sirène à police et l'ambulance. Qui rive bien aussi l'indifférence au loin. Nous qu'attendons une mélodie à physique à pompe et pendant si temps un café. Nous pas connaissons rien mais nous gênons et nous os. Nous arrêtons à point depuis nous aimons ni raison. Faut te voir ma chèvre et pique yoté ni fierté qu'on os. Arrogant équipe, mis ça été dans mode. Paye la vie malade qui est au maman. Mentalité de nek, fait un paquet d'ennemis assis on tire les lettres. Éducation le son tos, l'idée en grain et qu'on l'ox. Grand frère TV vine pompier midi frère pays ou man. Nous n'y fier mes vie l'habitude non, nous pas suivre tendance. Grève l'essence, crime et self-défense. Quand qui met l'eau en divin, nous carrément on sec. Nous pas autre étranger, dis-moi qui j'en pour nous rester soft. Qui j'en pour nous rester soft. Atmosphère la mal, c'est nous pas ni frère ni guidon. Ambition nous désamorcer. Pour voilà on met à mal, frère et morphie. Bon nous qu'un béroche. Pas ni doit échapper à toi. Qui rêve et vine riche, on joue l'autre. Voilà stand, pimpon, pimpon. Sirène à police et l'ambulance. Qui rêve et bercer l'indifférence. L'homme toujours pimpante. Jou qu'arrivé en avance, pour mes japatis prématurément, yo, pimpon, pimpon. Sirène à police et l'ambulance, qui rive bien aussi l'indifférence au loin. Nous qu'attendons une mélodie à physique à pompe, et pendant si temps, un café y pour. Bougar éviter la rue, bougar éviter salope. Good kid, mat city tout pit dans tes cafés slalom. Salam, shalom, pour les mouns, au moins tomber la hall. Détente, Guadeloupe, c'est plage, un parallèle, parabellum. Moun ka vivre pour enterrer, au continent, mort y intérêt. Mat été à mat, tu vu à cité V, internet. Patient et passion, son café des passions. Et bien médisant, c'est vêtant, temps, vine, puis méfiant, et l'homme. Nous sommes 40 à pas des billets, aux avons des bégas. Nous pas pour quoi qu'appel, boss, commandé ou buzz, mettez-vous en place, moins de go. Walk in my shoes, ça qui évite au pète, au poupé, talking bullshit. Mais nous savons pas où on bouge pas charge, man. Au final, pas jaloux, Kenny, l'amour pour chaque moon. L'occasion, l'amour doit être finon épopé. Vu l'époque, alors chacun pour sa pomme, les potes, et Dieu pour tous. Nous balançons, pimpon, pimpon. Sirène à police et l'ambulance. Qui rive bien aussi l'indifférence, l'amour toujours pimpante. Jou qu'arrivé en avance, pour mes japatis prématurément, yo, pimpon, pimpon. Sirène à police et l'ambulance. Qui rive bien aussi l'indifférence au loin. Nous qu'attendons une mélodie à physique à pompe. Et pendant si temps, un café hip hop. Ambiance boom bap. mélancolique, mais il s'agit bien de la nouvelle génération de hip-hop guadeloupéen. À l'instant, on est toujours dans la même clique en fait que Bled Mikey, et c'était EMS pour le titre Pimpon qui vient tout juste de sortir. Vous pouvez aller voir le clip sur YouTube. Et on enchaîne tout de suite avec la génération d'avant du côté de la Martinique. Un morceau exclusif proposé par Boogie Flaha Soin Yish en hommage aux enfants. Prenez soin des enfants, et c'est avec un gros featuring avec le MC T-Flash qu'on n'entend pas assez mais qui est toujours aussi excellent, et Eddie Malfunction qui n'est autre que Tonton 16, et le titre est produit par Boogie Flaha lui-même qu'on entendra juste ensuite avec Malkema. Il sera en featuring avec Malkema, donc Boogie très très productif, on le passe vraiment souvent et à chaque fois il nous étonne, et vous entendrez ce titre de Malkema extrait de son prochain projet Boom Bap Station. Mais tout de suite, Soin Yish. Maman la scène en la coua, yo pas de l'homme mec apprentisso, café oula, dans ouel serré en pièce cowboy, y'a foutu pas chèque couillonnade. Tangane yo joué boule, yo jacques a fouillé trou crap, les morceaux bois dans wool, yo tous des gains, coup de saillon, ka apprend ou les bacon, l'autre la cabaye en poussade. Et tiyo, yo plonge la digue, prend les chèques pour qu'il laisse qu'il ni courage. Boy pli wo, courir dans bois, jambé fil pack, boy wash them, mango pour et puis wash them, monte pli wo. Fang chou en bel rap, mango vin pas signac, tout le monde get rap et tic-tac. Oh yo bas de l'homme Capé chez Siric, en joignant la rivière, caché chez Cribiche. Anti-mama y besoin ni l'air, puis ça ouvre zelli. Même si besoin grand monoli, on brille pas briller prelli. Faut quitter you, fait la bio, mais pas oublier Dio. Prends la relle ou ouvre zelle ou pas zelle ou mais pas fait fou. Premier coup c'est celle, coup la vie a bon qu'on miel doux. But I will not always be there to protect you. Prends la relle ou ouvre zelle ou pas zelle ou mais pas fait fou. Premier coup c'est celle coup la vie avant qu'on miel doux. But I will not always be there to protect you. C'est fondation la nation. Est-ce nous paix pour population? Pas même pour en question. Même les sons qui défient qui garçon. Qui se soit situation, pas point sans protection. Observation, méditation, action. Pas chercher complication, la paix ni solution. Quand on petit, dans mon nom est et puis respect. Parce que l'argent fini, ça c'est moi qui restait. Ou que paix d'avant, gagne un graffier, un grigi. Ou ni ça qui s'écrit pour faire web Fiji. Yo qu'a fait l'histoire bon, matcher l'histoire en bas. Yo qu'a prendre tout ça qui t'a ou, jusqu'à ta ou. Apprendre sa vie tout bien, avec sa vie des normes. Nous chaque l'année en chime, sans taper c'est ça aussi mais. Si ou paix, pas paix, pas cela ou paix ou paix pas. Ou te combat ou, qui sinon ça ou paix pas. Ouais. Yeah. En vérité, important à qui? Ouais. Ça fouille. Ça fouille les gars. Sa vie chouin la vie à 7 ans mais pas oublier pour gagner vivre à fond mais pas pour y fuck that. Pas oublier pour gagner tout tout petit ou pour qu'on ça ou faut qu'on dit ou la vérité sans qu'on y hérité. C'est une belle planète mais tout un type est gâti. A qui la faute c'est nous mêmes il y a une seule réponse. Y chouin pour la bien ou vivre pire. Essayez pas faire pire que nous. Qui ça ou les mandi ou. Bon répond moi qui sont prêts à tonton. La vie a belle tonton. On savent ça, on parle au abonné à coup de bâton, couillon. Si la ria a bon plus love que nous, ça veut dire que séduction n'est plus puissance que nous. Merde! L'on a gâteau au petit, on a ou pas gâteau vite. Ou qu'un niveau pour la suite, pas la fête, l'on nuit. Pour la journée, t'es pas qu'à tourner. On t'es qu'à ici, mais on va faire comment. On t'es qu'à ici, mais on va pas simer, qu'on simer. On t'es qu'à ici, mais on va filmer. Puis de la vie ou pas mes courants, c'est pas en chimère. On climat, c'est pas en soda, pas way. On y en brain, on sale ma brain, way. C'est là, il veut en foutre ou en way. Qui monte qui prend mes lames, moi-même, et puis moi-même. Les restes, t'es qu'à j'aimer. La vie a 7 ans, alors fais chimère ou j'peux. flow. Leve mes short, si ça fait top. Quand j'ai coupe, coupe, clic, clic, boum, parti au glow. Leve mes short, si ça fait top. Sans fal bel, fais au bal en tête, wap wap. Doudou, doudou, bah faut qu'il m'en fouet. Ma inclation revolver, l'en capéter si ou fait, ou faut pas ou paix. Des langues à dire des bêtises, mais pas de pour moun, papa ou fait. Quand ou fait, ou bien en lao, bouga ou posé. Toujours au paix, pour poser. Lyrics, y'a une inspiration dans 50 projets sans 2 minutes. Wouh, manque au maïque, là dans 2 minutes. Comme quand y'a tant qu'aime là, t'es obligé de mettre en mode bibib. Vite. C'est grande, pané les mains, lime mic là, lime les lighters, style à sa élite. Boogie fly, kongon wella, ka brille you on fit, style à yo cloud et conne. On casse la sac à pique, c'est un pour la monnaie, deux pour les mots COVID. En vrai, panyarak, nous on rate que tous les copains, game là, son tigre à ta gauche, à qui m'aimant des chiens fins. Mais les gars, en force, on fait sans la pour pompier, l'offre c'est sans sensitif, au bien écrit et pompier. Voyez mon, bouille, bouille, bouille, bouille. Vous à suivre. Boogie c'est pas MC clinistique. Musique, bah il a compris ici les sites. Si c'est CDX est disponible pour public. Qui beats, qui lyrics, pas ni déficit. Ça n'est spirit, pas sélectif biblique. Tellement lumière, OPG, fin épileptique. Ça n'y va, il passe Google, can y click. Mon frère, c'est Nicolas, fait ta danse split. Hip hop, celle religion, ultimement pratiquant. Man qu'on lit quand, en tout, vampire, Vatican. Ni gangster, ni gang, grec, la voix piquant. Au militant, depuis qui tant, et quand qui quand. Mon panitant, ma koussouba ou bramitant. Baba me wako, baba me bon soupe, zapitant. En tchol love, qui want de walk, qui want dit dans. Hip hop, ma dans, tout temps, ma vivant. La pression est montée avec le hip-hop créole de Malkema featuring Boogie Flaha. Et on va enchaîner avec un autre MC, on ne peut plus, dynamique, productif, c'est Neg Lyrical avec le titre « Cette Assemblée » où il est en featuring eh bien, Jean Gabin. Il ne s'agit pas du MC mais bien de l'acteur. Il sample des extraits d'un film que je ne saurais identifier. Allez écouter, allez voir Cette Assemblée, un travail très original dans l'utilisation. Et bien sûr, eh bien, vous aurez compris avec le titre de quoi il va s'agir. Pression avec Neg Lyrical. On vient sonner l'alarme, messieurs vous ne dites rien même quand vous faites beaucoup de vacances. Cette assemblée est-elle celle d'une démocratie ou d'une dictature? Est-elle celle d'une dictatie ou d'une démocrature? Cette assemblée ne travaille plus que pour ceux qui ont de gros revenus. Messieurs vous rendez-vous compte de ce que vous êtes devenus? Une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Cette assemblée autorise sa police à servir d'armes de guerre contre son peuple, mais laisse certains se balader avec des barres de fer. Cette assemblée voit une loi qui remet en cause la liberté de manifester, et après un s'étonner qu'elle soit détestée. Cette assemblée adore le cinéma et toutes les exhibitions, mais quand la presse déroge, elle cautionne les perquisitions. Une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Cette assemblée avait conscience de son rôle. Elle donnerait bien plus souvent à sa population la parole. Cette assemblée avait conscience de son rôle. Elle prêterait attention à ce qu'a écrit sur les banderoles. Si cette assemblée avait conscience de son rôle. Elle bosserait pour le people, pas pour les people, mais son but c'est la constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. Trop de conflits d'intérêts dans ce système. En France, Afrique, elle joue le rôle de corrupteur. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateur. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Une fois que ces places ont été prises, restait plus aucune place pour les immigrés. Bien personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Cette assemblée a couvert trop de crimes dans l'histoire. Aussi bien dans ses ex-colonies que sur son propre territoire. Longue est la liste. J'ai vu la police chargée des grévistes. Je l'ai vu aussi chargée des chômeurs. Une collection d'injustices. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines zones. Mais ceux pour qui l'on vote te diront que c'est pas de leur faute. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle donnerait bien plus souvent à sa population la parole. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle prêterait attention à ce qu'elle écrit sur les banderoles. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle bosserait pour le people, pas pour les people. Mais son but c'est la constitution de trust, horizontaux et verticaux, et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Dans cette assemblée, un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de bons pistes de fond. Vous vous rassemblez. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Dans cette assemblée, vous vous rassemblez. Pour que le protégé se hisse à la présidence du conseil, alors là, le placement devient inespéré. Dans cette assemblée, les financiers d'autrefois achetaient des mines à Jelitzer ou à Zohar. Vous vous rassemblez. Comme à chaque fois, sans me préparer pour, j'ai foncé dans le tas, sans regarder autour, toujours tout droit. Démarré au quart de tour, sans attendre le top départ. Waouh, mon panier tempo, ça posez-moi trop question, fait en lot débat. Peser le pour et le contre, le si, le pourquoi. T'es piment ni en l'intuition, panier. Ça ne ressemble pas, m'en palais tant de palais, dix contradictions. Mon c'est ma côté, tiens moi qui la raison. Les celles qui peut décider pour moi, ça qui est mauvais, ça qui est bon. Wow, je ne crois pas au hasard, je ne laisse pas filer mes occasions. Je n'ai jamais voulu retenir la leçon. L'irrésistible insupportable de Jeanne Baudry, eh bien c'est le premier extrait de son album Légère, sur lequel on avait déjà pu découvrir le très bon Paris perdu qui était sur la compilation Créole Pop de Joël Jacoulet. L'album Légère est désormais disponible et là on va écouter le premier single d'un album qui n'est pas encore disponible, c'est le projet Créole Cauchy de Manzel Soigny et le clip est à voir sur les réseaux sociaux sur YouTube. That's a new day, that's a new me. Just a new way to hear the melody for the people who don't know me. I'm introducing myself, Manzel Soigny. Femme poto mitan, femme soldat mitan, zye moun kagade mwen kosi yo te kadi femme balance fè sa ou ti bwen. That's a new world, a new energy. This fucking girls who call you beauty, this lullaby which sounds so sweet, this yourself you fall in love with. Créole Cauchy entre deux chaises meurtries. Logique d'un commerce ternaire, terni. De ce rythme triangulaire qui sonne comme je, tu, elle, je, tu, lui, je, tu, l'autre. Et réapprendre à be the woman, be the strong, be the inspiring, be the person that makes you happy because nobody will make it for you, honey. Deviendront tenter l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique. On n'y va pas en voiture. On a coutume de dire que la vie est dure, qu'on se bat pour le futur. Quelle aventure! Père, mère, décidé de partir de la Guadeloupe natale. La misère te dit de grandir, de fuir, banal. Si on n'est pas satisfait, il faut qu'on bouge de là à vers un endroit qui nous fait rêver. Au lieu de rester faire les 100 pas, ici je commence à étouffer. C'est comme une ambition sans fin pour lui, du courage fuite pour certains. Être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas, toi et moi, c'est pas une mauvaise idée. Être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas, toi et moi. Créole Cauchy, tant que t'en as l'air, c'est un peu ce personnage secondaire de négro poli. Eswani, est-ce seulement dis-moi embêté depuis qu'il t'en comprend le créole et au pot, j'en parle bon moins. Hey, Oni, où j'ai grandi, ça pas qu'à faire rien. Allez au pays et surtout, gardez bouche à ou femme. Don't care, be the honest and the humility, work for the best and things will be. Je suis concept et dualité. Femme, potomitan, femme, soldat, femme, l'homme ou femme, toujours femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme. Coutez Poutin, lyrics tombés. Avec Mlle Swanee, vous avez pu voir qu'on est entré dans la catégorie des ovnis de ce mois de mars. On va enchaîner, on va maintenant toucher, voilà, au, comme on a dit, on est dimanche gras. On va maintenant toucher au carnaval et le projet dont est extrait le titre qui va suivre, qui s'appelle Carnaval, le titre. Le projet, c'est Dédouisme. Dédouisme, c'est Nos DJ, DJ Nos avec l'artiste Anaïs Vierspan. Dédouisme, c'est Isé 49, c'est Nef 40 Isé, c'est Nos DJ avec Anaïs Vierspan, des artistes Cajouen. C'est l'usé qui rend neuf, le neuf qui rend usé. Deux artistes se rencontrent avec un projet de remix que vous pouvez checker sur SoundCloud, le SoundCloud de DJ Nos, et on écoute tout de suite le remix Carnaval qui va chercher chez Kassav, et bien voilà, de la matière pour nous proposer ce rythme qui nous permettra parfaitement d'introduire l'album. L'artiste du mois, c'est Daudeline, l'album Carnaval Odyssée, et on écoute tout de suite Dédouisme de Nos DJ et Anaïs Vierspan. We'll be right back. Laisse-moi aller, être dans l'instant. L'album Carnaval Odyssée et le groupe Daudeline sont des ovnis dans le paysage des musiques actuelles créolophones. Le groupe n'est basé ni en Guadeloupe ni en Martinique. Et pourtant, il y a du créole de Martinique, il y a du gros cas de la Guadeloupe saupoudré dans toutes ses compositions électroniques. C'est un projet qui est déjà disponible depuis un petit moment. On a attendu ce dimanche gras pour vous le présenter avec la participation exceptionnelle des artistes eux-mêmes qui ont joué le jeu pour nous permettre de donner encore plus de corps à cette présentation, en espérant vous convaincre d'aller checker, d'aller chercher un peu, et un très bon clip pour le single Laissez-moi. Et voilà, on va vous laisser découvrir tout ça en musique et avec nos petits commentaires. Nous contre-temps, on nous épanouit, l'as pointe tout et vive la vie. Laissez-moi aller, être dans l'instant, on serait si bien sans choisir de camp. Parce que le carnaval a cette fonction sociale de soupape, de catharsis, l'album sonne comme une libération à plusieurs titres. Pour Laissez-moi, ce que je veux expliquer, c'est que j'ai pas spécialement, et j'ai pas envie même, de choisir entre mes origines, donc la Martinique, et mon pays de naissance, donc la France. Que je me sens bien dans les deux, et j'avais envie de mettre en avant les deux pays. Oui, d'une manière générale, ça se traduit aussi dans la musique, où on ne se met pas de frontières, on n'est pas fermé sur des chapelles stylistiques, et voilà, c'est un peu le propre du message qu'on a. Trop souvent, poussé d'un côté, laissez-moi. Thank you. L'As prenait tout. Daudeline évoque le temps préalable à cette libération pour aboutir à cette proposition musicale originale et assumée de 33 minutes. Chaque morceau amène une direction dans laquelle le groupe aurait pu partir, s'abandonner, comme au carnaval. Laissez-moi et Carnaval Odyssée démarrent sur un tempo de vidé, le défilé du carnaval, avant de revenir dans un style posé très soul. Le carnaval reste en filigrane à travers les petites touches de cuivre tout au long de l'album. Et on sent cette recherche d'équilibre au cœur du projet entre électronique et acoustique, titres chantés et instrumentaux, soul, jazz, électro et rythme afro-caribéen, et bien sûr, entre les langues, le français, le créole et même l'anglais. Alors en fait, on ne s'est pas trop posé de questions, l'alchimie s'est faite dans l'instant, c'était assez naturel. Weekend déjà fini, semaine commencée, tout le monde déjà parti, faut moi lever. 11h du matin, en poco ben, soleil caché chez moi, quelle la fin, mais entre l'aspérément des bons dieux, anti la pose, pour vencer. Yo jalas dis moi, tchamberette pas molly, en phrase que m'en pas caladé. La vie et puis nous faut nous aller. Entouré en chemin, où soleil a brillé. Faut pas au bête pied nous que trouver. Ou pas la splaire, fait si magré. En nous aller tous les deux. Faut pas au la c'est mon lit à qui plus raide. En nous machine à trois têtes. Il y a d'abord Dawatil, le compositeur qui s'est fait remarquer sur plusieurs projets, notamment Fouatil. Raphaël, le percussionniste et aussi saxophoniste de Sony Troupé. Et enfin Olivia, qui est la voix de ce projet, qui chante dans plusieurs langues, et notamment le créole. Et il s'agit de son premier véritable projet enregistré. Alors, d'où je viens musicalement ? Je viens déjà d'une famille de mélomanes et d'artistes en tout genre. J'ai toujours baigné dans la musique, depuis le berceau, même le ventre de la maman. Et du coup, oui, donc j'ai jamais eu de projet en créole en soi, mais par contre, j'avais plein de petits projets à côté qui étaient plus du plaisir. Qu'un projet élaboré, tout ça. Et puis, donc, Daudeline est mon premier vrai projet concret, on va dire. Et parce que Carnaval Odyssée reste un ovni, la seule chanson d'amour sur l'album est du point de vue d'une psychopathe, a priori. C'est le titre « Moinvelé ». Oui, effectivement, du coup, c'était pas une chanson d'amour traditionnelle. On a fait partir ça un peu en mode psychopathe. Et puis, assez rapidement, il y a la référence au film « À la folie, pas du tout » qui est arrivé sur le tapis. Nous ne pas nous croiser, nous que yeux à nos yeux, on fait tout ça à même moi. maman cise. Mais ou pas qu'arrivé. Yo dis moi faut moi aller. Reste là que fait main. On va savoir ça qui passe. Peut-être tout pas te paie. Si vous voulez téléphoner, on savons pas fâcher. Pas à voler où est, ni en paquet invité. Et mis tout me paraît, tout bagage installé. On sait ça que y aller, là nous qu'a concrétisé. Tout ça nous commence, on dit où ça. Amen, moi doudou. Qui côté où y est, on besoin l'amour. Mon vrai. On j'a tellement excité, content pour nous mailler. Tout le monde qu'a impatienté, mais moi qu'a rassuré. Yo tout décidé parti, mais la pavle rete. Nous pas qu'on va arriver, trois jours nous qu'a cherché. Lorsqu'un camarade DJ m'a fait découvrir Daudlin avec ses références au conte antillais, ses percussions de carnaval, je me suis tout de suite dit « Enfin un groupe de musique électro qui peut être un pendant antillais de groupes que j'apprécie venant de Porto Rico, d'Argentine ou de Trinidad. » Et il est intéressant de noter qu'il n'évolue ni en Martinique ni en Guadeloupe et n'a pas spécialement pour référence des groupes de ces îles qui ont pu avoir des expérimentations modernes dans les mélanges et ni même en termes de chant en créole. Ben en fait, l'influence principale, ça a été nos influences respectives et arriver à trouver un équilibre entre tout ce qu'on avait à proposer pour arriver à faire quelque chose qu'on voulait et sans forcément avoir de volonté spéciale de ressembler à quelqu'un. Thank you. Un des éléments qui donne de la consistance au tout, c'est l'apport toujours pertinent du gros cas. Raphaël, qui s'en occupe arrive plus tardivement dans le processus de création de l'album. Les morceaux instrumentaux comme J-Pal ou Bula Gel semblent libérer la frappe du tambour, là où il vient plus en accompagnement sur un titre chanté comme Slow Down. Alors dans le cas de Slow Down, le Gokal Shaker ont amené un côté plus organique à une chanson qui avait des sonorités très synthétiques. Voilà, et pour prendre l'exemple inverse, sur Cafobeat, en revanche, on est délibérément parti du Goka sur la base rythmique du pas djembel, et du coup on a adapté un morceau dans notre style à partir de ce rythme là. Tous les jours c'est même bagaille là, ma kagouria dans tout kaya, pas ça ça pour mettre en l'air moins, ma kawé allez tout caisse là, en tas kawé tombé en l'air moins, pas ni a la particularité d'avoir deux multi-instrumentistes sur scène, d'associer l'électronique aux instruments, tout ça laissant bien sûr beaucoup d'options pour la scène. Oui, bah le live est à l'image du disque. Il y a vraiment, on retrouve le mélange entre rythmique électronique, les synthés et des instruments plus acoustiques. Et on espère pouvoir vous inviter rapidement à vivre ça lors d'un concert aux Antilles. On y travaille en tout cas. Conan Ambi, Musique Jeudi, merci au groupe d'Audeline de nous avoir présenté son album Carnaval Odyssée, un très bon album, court, efficace, qui va à l'essentiel, tout en ouvrant plein de pistes différentes, vraiment, allez écouter ça. On vous convie chaque premier dimanche du mois de 16h à 17h sur Radio FPP, rfpp.net. C'est l'émission Musique Jeudi chez Con Lambi. Vous pouvez checker tous nos podcasts, une grosse partie de nos podcasts sur le site streetdiamond.fr dans la rubrique podcast, ou encore archive.org plus Con Lambi plus Musique Jeudi. Bref, sur Google, M-I-Z-I-K, plus loin J-O-D-I, et vous devriez tomber sur pas mal de dossiers à ne pas rater tout au cours de nos 49 émissions. Et le mois prochain, ce sera la 50e de Musique Jeudi. On vous dit donc au mois prochain. Et d'ici là, faites vivre Musique Nous, écoutez Musique Nous.